malgré les bombes, les obus, les missiles qui sans arrêt s'abattent sur ces villes. Malgré les crimes, la barbarie la plus vile qui par endroits décime ses civils. L'Ukraine se bat et résiste. Malgré tous ceux condamnés à l'exil pour fuir la mort, pour éviter la famine, grâce à tous ceux dont les cœurs virils n'ont pas eu peur de la Russie voisine, l'Ukraine se bat et résiste. Des pays amis lui donnent sans trop compter les moyens qu'il faut pour pouvoir batailler, mais cependant sans vraiment s'engager à venir faire la guerre tout à son côté. Et l'Ukraine se bat et résiste. Et armement, c'est le sang de ces hommes, de ces femmes qui se répand. Pourtant certains ici sont déjà mécontents d'avoir seulement à vivre plus chichement. Mais l'Ukraine se bat et résiste.